situation comme ça très compliquée. La relation de la jeune fille et la pornographie, j'ai dit oulala, mais elle ne parle pas avec moi. C'est bon, c'est bon. Elle est très parisienne et je suis belge. Mais pour le moment, je suis désolé, je suis enchanté. J'avais dit, ma chérie, je suis un garçon différent. Je joue la guitare avec mes amis. Nous avons un groupe de rock. Et j'ai écrit beaucoup de chansons pour faire danser les dames. Les caresses des cheveux rouges qui sont vraiment magnifiques. Ça va, ça va. Maintenant, nous pouvons faire la musique. Et après, nous pouvons faire l'amour. E aquele cara me olhou com aquela cara assim de como o trabalho dele não fosse um trocador. Tipo, é o nome da sua profissão, tá ligado? Você é o trocador. Ele não queria trocar meu dinheiro, cara. Tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Se não trocando dinheiro, eu não tô fazendo um favor pra você chegando com a nota mais baixa. Você que tá trabalhando menos.